Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, s'est rendu le 22 janvier auprès de la dépouille de Kang Il-soo, membre suppléant du Comité central du Parti du Travail de Corée, député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et directeur général de l'ère civile, en signe de profonde condoléance à son décès. À la visite de condoléances étaient présents les cadres responsables du parti et de l'armée, tels que Fang Byung-soo et Choi Ryong-hae. Devant la dépouille du défunt était déposée la couronne mortuaire envoyée par le dirigeant suprême. La famille du défunt se tenait à côté de la dépouille. Les gardes d'honneur de l'armée populaire de Corée montaient la garde aussi. Le dirigeant suprême a gardé un moment de silence à la mémoire du soldat révolutionnaire qui a accompli avec responsabilité l'importante mission en tant que cadre compétent du secteur aérien entouré de la confiance et de l'amour particulier du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et assuré fructueusement le transport aérien régulier du pays afin de contribuer considérablement à rehausser le prestige extérieur du parti et de l'État et au développement du transport aérien. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a rencontré la famille du défunt pour la consoler cordialement en exprimant ses profondes condoléances.